mais sur le fait qu'il faille mettre en avant le bienfait de l'immigration pour la France. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez bien qu'un grand nombre de nos concitoyens sont issus, évidemment, de migrants et sont non seulement bien intégrés, mais ont contribué à la richesse de la France. J'ai moi-même, à une certaine époque de ma vie, beaucoup côtoyé mon ami Bernard Stasi, qui a été le premier à écrire les bienfaits de l'immigration pour notre pays. Et donc, je suis tout à fait disposé à ce qu'on le mette en avant. Et vous verrez qu'en sortant d'ici, j'essaierai de faire écho à votre proposition. Ce que je veux ajouter, c'est que... Regardez, je vais vous donner un exemple plus simple. Il y a actuellement une grande fitna, comme on dit chez les musulmans, un grand désordre qui nous touche actuellement. La société Erta qui fait des saucisses, soi-disant halal, en concertation avec la mosquée de Paris, il y a un groupe de musulmans qui ont été achetés des saucisses, qui les ont ramenés dans un laboratoire qui s'appelle Orofin. C'est un label qui avait du porc. Voilà, des traces d'ADN de porc. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent, Erta? Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pas parce qu'on est différent qu'on est plus intelligent. On peut voter. Trouvez votre bureau de vote sur lesprimaireciitoyennes.fr. Les 9 et 16 octobre, donnez un nom au changement. Toute la France peut voter.